Do re mi fa sol la si do. Ça a bien se passer, ok? Do re mi fa sol la si do. Mi en jeu de mots, faut pas m'en mettre trop. Si là pour moi pas freiner, yo a dog game la m'en pas qu'à faire des tailles. M'en con chalumeau, son talaké, brûlé, yo manqué, fais d'autres pèdes les mots. Ouais, yo voyez pas au l'en paquet, mon a tweeté. M'en pas besoin, joué, yo pour mettre yo tout à tête. Des soi-disant acteurs qui veulent jouer les facteurs. Mon petit marcou, mes autres pas qu'à faire moins paix. Bon, en attendant, j'ai bé ça, mi en chata. Fais passer ça, fap, fap, mi en chata. J'ai bé mon en wap. Wap mi a chata de ma chata, mi a chata de ma chata, chata, chata. En attendant, chibé ça, mi a chata. Fais passer ça, fap, fap, mi a chata. Chibé mounan, wap, wap. Mi a chata de ma chata, mi a chata, mi a chata. Kite mwen daga, win mwen za de zon. Pa de gil, mwen pa ka fey pou la fri. Mwen just bazot an vole rim. Atan, kite mwen ralenti. Se mwen se kabon mwen pou an fucking TV. Mwen pa netan pou koute yo, rakonte kochoni. Mwen jagwe se non mwen. Yo le sali, yo bizwen. Pa mwen kiki, me yo wè sa pa ka bwi. Du coup mwen si an salopri. Bon, en attendant, chebe sa, mi an chata. Fais passer sa, fap, fap, mi an chata. Chebe moun an wap, wap. Mi an chata, de ma chata, mi an chata, de ma chata, chata, chata. En attendant, chebe sa, mi an chata. Fais passer sa, fap, fap, mi an chata. Chebe moun an wap, wap. Mi an chata, de ma chata, mi an chata, mi an chata. Mwen zavre moun pa trope, men manye mwen. Yo toujours dit mwen m'avec rive loin. D'après ça mon carton yo toujours si c'est si de mwen. Pendant mon café l'argent mwen mange jusqu'à bas mon temps mwen. Menti les bas en coup de main. Comme mon café mwen chez manqué montre en coup de rein. Mon si mère ça mange en les route mwen. La vie a ni trop gars yo j'alas pour toute force mwen. Bon, en attendant, chebe ça, mi en chata. Fais passer ça, fap, fap, mi en chata. Chebe moun en wap, wap. Mi en chata de ma chata, mi en chata de ma chata, chata, chata. En attendant, chebe ça, mi en chata. Fais passer ça, fap. Fap, mi an chata, chebe moun an, wap, wap. Mi an chata, de mi an chata, mi an chata, mi an chata. Yo, ça a bien se passé. Chérie ça, l'écoute, ou tout.